Bienvenue à tous et toutes, vous écoutez La Croisière Folk, une émission qui vous fait découvrir toutes les facettes de la musique folk et c'est une sorte de voyage aussi que vous allez faire, vous allez voir, vous allez découvrir des univers et des tas de choses. Et si vous avez envie, eh bien on a une page Facebook, vous pouvez la liker, vous y trouverez aussi énormément d'informations et de vidéos. La page Facebook s'appelle La Croisière Folk et lacroisierefolk@yahoo.com, c'est notre adresse mail pour ceux qui auraient envie de nous envoyer un petit mot. Sam Solo, I'll be there, c'est seulement à 11 ans qu'il a commencé à écrire ses premières chansons. Et ce troisième morceau qu'on vient d'écouter, I'll be there, c'est une chanson intime qu'il a écrite pour lui-même comme un rappel à la rencontre de la bonne personne. Une chanson sincère, elle est portée par une sensibilité à fleur de peau. Et puis le dernier single de Qui m'aurait cru, on va l'écouter tout de suite, c'est Fermont. Et Qui m'aurait cru, c'est un groupe acadien qui vient de la Gaspésie. Alors où est la Gaspésie? Et là aussi, on va vous faire voyager. Eh bien, c'est une péninsule située au centre-est du Québec, à l'est de la vallée du Matapédia, et entourée des eaux de l'estuaire du fleuve Saint-Laurent au nord, du golfe du Saint-Laurent à l'est et de la baie des Chaleurs au sud. Le nom de Gaspésie est un dérivé du mot Gaspé, qui lui-même est un dérivé du terme Micmac Gespeg, signifiant fin des terres. Alors, le Micmac, eh bien, c'est une langue autonome de la famille des langues algonquiennes parlée par la nation Micmac. Et les Micmac, c'est quoi? Puisque, bah, on vous dit qu'on vous va faire découvrir des choses. Hein. C'est un peuple autochtone de la côte nord-ouest de l'Amérique, faisant partie des peuples algonquiens. Il y a aujourd'hui 29 groupes distincts dans cette ethnie au Canada et une seule aux États-Unis. Arrivés il y a plus de 10 000 ans, ces premiers humains, comme ils se nommaient, venus de l'ouest via le détroit de Bering, étaient déjà présents dans cette partie du monde bien avant l'arrivée des Vikings et des Européens. Et juste après Bob Livingstone, Can't Get Enough of It, et Mary Madden avec Song for the Trees. Une dame, une artiste qui chante pour les arbres. C'est pas beau ça? Et c'est uniquement dans la croisière folk. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Salut, chérie. Aujourd'hui, qu'on doit partir gagner notre vie, c'est un ferment dans mon camion que je m'imagine dans ma maison. On est parti pour un bout de temps. J'ai tout fait, toutes les défaites. C'est ça que j'y sais rien démontrer. Mon père vieillit, ma mère qui s'ennuie. Je devrais les appeler plus souvent. C'est pas comme ici. Je devrais y retourner de temps en temps. On est parti pour un bout de temps et pour de bon. J'ai tout fait, toutes les défaites. C'est ça que j'y I'm almost there. At least I know the end's in sight. Opportunity knocking everywhere. I'm out of the tunnel and into the night. Oh, beautiful sunrise up ahead, a million colors to the dawn, planets in position, underlined in red, auspicious beginnings roll us along. Oh, and I can't get enough of you. I can't get enough of you. I can't get enough of you, but I wanna go home. I've been a gypsy way too long. Haven't unpacked in 40 years. Ramblin' Jack showed me the way to this song. It's full of beauty, adventure, and tears. Kindness of strangers and good friends. They put me up 5,000 nights. My road is up ahead, just before the dead end. It's the green gate with the Christmas lights. I can't get enough of you. I can't get enough of you. I can't get enough of you. But I wanna go home. Questions answered, never asked. Indian summers never last. It all happened way too fast. Isn't it strange how the die was cast? And I'm feeling like I'm almost there. I won't miss the turn this time. Magic of the mission up the flatland stairs. I feel like I made it to the head of the line. Oh, beautiful woman waiting there for me. A house full of family and very best friends. Or am I only dreaming this mystery? And will I wake up before the end? And I couldn't get enough of you. No, I couldn't get enough of you. And I can't get enough of you. But I wanna go home. Croisière folk. Ça, c'est de la musique. De la vraie musique. Moi, quand j'entends ça, j'en prends un coup. Ça se commande pas. Tais-toi, ne dis rien. Et puis, écoute bien. La croisière folk. Ça, c'est de la musique. Mmh. time among the trees in the forest deep. The aspens quaking in the breeze from the forest floor. To the crown of the redwood grove I lift my voice, and the wise ones listen. Feel the music flow. My voice is rising and floating in the air. More than a song, it is my heartfelt prayer. Marie Madden à l'instant dans la croisière folk avec Song for the Trees. Et tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. Auditeurs qui nous écoutent d'ici et d'ailleurs, qui peut-être viennent d'arriver, sachez que 1, 2, 3, c'est la partie de l'émission au cours de laquelle on veut découvrir un album en trois chansons. Et aujourd'hui, c'est l'album de Larry Kaplan, Long Ride Home, son nouvel album. C'est son 7e album et il nous offre d'ailleurs une collection de chansons originales dans cet album, portée par la finesse de son écriture et la chaleur de sa voix. Accompagné de musiciens renommés, le chanteur américain confirme son statut d'artisan majeur de la folk contemporaine. Il est né à Boston et il est partagé aujourd'hui entre Londres et le Connecticut. Il puise son inspiration dans la mer, l'histoire, les gens simples et les émotions universelles. Il a navigué sur les côtes du Maine et a participé à la restauration du célèbre schooner Bowdoin. Récompensé à de nombreuses reprises, il est salué par le magazine No Depression comme l'un des meilleurs auteurs du folk revival. Ses ballades profondément humaines mêlent mémoire collective et intimité. Long Ride Home est un disque sincère, intemporel, qui réconcilie passé, présent, avec tendresse et lucidité. Et on écoutera trois morceaux, comme c'est le cas, puisque c'est pour ça que ça s'appelle 1, 2, 3. Morrison's Meeting, Boat Builder et Everyone Doing Just Fine. Merci d'être présent. Vous avez bien raison d'écouter la croisière folk. 1, 2, 3, 1, 2, 3, lancez la musique. He's only a small town boy, raised on a river in Pittsburgh. He was never much good when it came to the ways of the world. So he spends all his time in his room, making tunes on his piano. Mister, have pity and give him the credit he's due. I have nothing to do with your business of song publication. I have come to New York for my brother, who does not know I'm here. He would give you the shirt off his back, I am sure, if you asked him. He would share the same songs that his friends and his family hold dear. There's a song on the old dancing waves of the old Allegheny, where we spend many warm summer days at the old minstrel show, where you go to sleep easy and the world of a small town is better, where thank you's the only thing friends with a song need to hear. Now forgive me if I appear forward when I speak of money, but isn't it strange that a song he had sold you last year earned him $38, no more, and you've made many thousands. And no name of my brother or credit has ever appeared. There's a song on the old dancing waves of the old Allegheny, where we spend many warm summer days at the old minstrel show, where you go to sleep easy in the world of a small town is better, where thank you's the only thing friends with a song need to hear. Said my piece, and there's nothing more I have to tell you. Business is business whenever you sign on the line. But he makes the music, and you sell the words on the paper. We all need new music, but only he knows the next song. There's a song on the slow dancing waves of the old Allegheny, where we spend many warm summer days at the old minstrel shows, the world of a small town is better. Where thank you's the only thing friends of the song need to hear. There's a song when the slow dancing waves of the old Allegheny, where we spend many warm summer days at the old minstrel show, where you go to sleep easy. The world of a small town is better. Thank you's the only thing friends with a song need to hear. While the stem frames and transom still set on the jig, the white oak's been sitting there, dry as a twig. Cedar for topsides and the rest of her pine. It's good you have come here just to talk of old times. Tell you, good neighbor, she did everything right from the moment I met her to her last helpless night. When you lose your best friend, 60 years your own wife, you don't want to build boats anymore. We met at the start of the Second World War. I was a sailor from the Normandy shore. She came out there to find me, then carried me home. It was 60 years, never alone. There wasn't a tide she couldn't row on. We were applewood carvers in the midwinter sun. And I loved her more deeply than the sea currents run, or the storms that drive seabirds ashore. I launched her this morning in the thick of a fog. She listed to the starboard, guess I lofted her wrong. But I was the sailor, always measured too long. She knew that a long time ago. But she saved me the bright work, the name to paint on, and a bow line to splice. Now, Jesus, she's gone. She'd be first to tell you life just goes on, just as the tides never change. The mast step now fastened, I will set a lugged sail. I will tack on forever in this dark, silent gale. And I'll dream if she ever once wanted to sail, day after month after year. Oh, I tell you, good neighbor, she did everything right from the very beginning to her last breathless night. When you lose your best friend, 60 years your own wife, you don't want to build boats anymore. You just go to the window once more. Un, deux, trois. let's go walking. It's the first good day of November. Sun's out there, who cares about RNA? Well, we miss Thanksgiving, now what about the one in December? Was beginning to think there was no place left to play. And who said it's over when nobody knows when it's over? And who said it's time to be staring straight up at the sky? Did you know you can furnish a house in a year using eBay? Well, maybe it's over, but I'm getting to like getting by. Yet time drips along just as slow as a drop of molasses. I've forgotten you've told me, don't forget daylight savings time. Talk, talk, talk, but nobody bothers to listen. There's a guy on the news saying everyone's doing just fine. And who said it's over when nobody knows when it's over? And who said it's time to be staring straight up at the sky? Did you know you can furnish a house in a year using eBay? Maybe it's over, but I'm getting to like getting by. Now I like people, but I just don't like being around them. Yeah, I miss some people now more than you'll ever know. Life in a bubble, whole world in trouble, yeah, maybe. So you start making lists of the people you don't wanna know. Let's go walking, it's getting on into last summer. Don't you think you've collected just too much velvet art? You'll bump me cause you're getting an itch in your elbow. And I'll hug you cause there's always an ache in my heart. And who said it's over when nobody knows when it's over? And who said it's time to be staring straight up at the sky? Did you know you can furnish a house in a year using eBay? Maybe it's over, but I'm getting to like. Maybe it's over, but I'm getting to like. Maybe it's over and everyone's doing just fine. Nouvel album que je vous ai fait découvrir dans cette émission La Croisière Folk, celui de Larry Kaplan, Long Ride Home. C'est son tout nouvel album et on en a profité pour écouter Morrison's Meeting, Boat Builder et Everyone Doing Just Fine. Alors vous le savez, on produit souvent ici dans cette émission, on vous diffuse des poèmes. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous diffuser une fable, mais pas n'importe laquelle. Vous connaissez tous, bien sûr, Le Renard et le Corbeau. C'est une fable éditée pour la première fois en 1668. Elle est inspirée d'Ésope ou du fabuliste Phèdre. Et moi, j'en ai fait une version. Oui, je me suis dit que j'allais réécrire un peu cette fable et j'en ai fait une version un petit peu plus moderne. Alors, si vous voulez bien, voilà, elle vient de sortir de l'imprimante et je vais peut-être vous la dire, vous la raconter. Donc, Le Renard et le Corbeau, c'est passé. Aujourd'hui, on va parler du chat et de la mouette. Dans la ville, un beau jour d'été, Mademoiselle Mouette, sur un toit perché, tenait dans son bec une belle pizza, tout droit sorti d'une pizzeria. Monsieur le chat, passant par là, fut aussitôt attiré par l'arôme alléchant. Il se dit « Ah, voilà mon déjeuner !» et lui tint à peu près ce langage. « Eh bien, salut, noble mouette des cités, que tu es élégante, que tu as du style. Sincèrement, si ton chant est aussi subtil que ton plumage est raffiné, tu es sans doute la reine des quartiers branchés. » La mouette, flattée jusqu'à en rougir, ne se sentit plus de plaisir. Pour prouver qu'elle avait de la voix, elle ouvrit son bec, lâchant la pizza. Le chat n'en demandait pas tant, sautant vite sur le délice croustillant. Il dit en partant entre deux bouchées, « Ma chère, retiens bien cette morale qui, dans la ville et capitale, les flatteurs vivent au crochet de ceux qui se laissent berner. » La mouette, vexée, jura un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus, du moins jusqu'au prochain repas. Le chat et la mouette, voilà une version moderne que je vous ai réalisée du Renard et de Corbeau. Tout de suite, voici David Knopfler avec Autumn Roses. Il est cofondateur, hein, David, avec son frère Marc de Dire Straits. Ensuite, il y aura Doc Watson avec Summertime et Luarna Lubre. Camino do Norte. Si vous venez de vous brancher dans votre radio, vous écoutez La Croisière Folk, une émission qui vous fait découvrir toutes les facettes de la musique folk. La Croisière Folk. It's like she thinks she's Moses, clutching in a madness to her autumn roses. She sings along to songs of love, loss and love again. Her hidden passion twisting like a dark psychosis, the black door slamming and the brass lock closes. She sinks her rock to the tick tock to face the night alone, singing la la la la la la la la. This bliss is not like home. La la la la la la la. In the sepulcher of stone, driving through the stop signs with a heart that's broken, clutching to her madness like an autumn stone. She sings along to songs of love, of loss and love again. Some would say she lost her way, two-thirds past that bend. And though she prays to her God for grace, grace won't be back again. With a heart that's broken, running from her sickness, all her comfort stolen. She sings a song to the ghosts of love, in memory of a friend, singing la la la la la la la la. Her precious bird has flown. Summertime, and a living is easy. Catfish are jumping and the cotton is high. Your daddy's rich and your mama's good looking. Hush, little baby, honey, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing, gonna spread out your wings and take to the sky. Until that day you can hush up your crying. Your daddy and your mama standing by. Cotton is high. Your daddy's rich and your mama's good looking. Hush, little baby, honey, don't you cry. Hush, little baby, don't you. Cry. Bienvenue dans la Minute Astuce, votre cocktail d'ingéniosité pour pimenter votre vie. Dans chaque chronique, on vous livre les secrets malins pour simplifier votre quotidien et rendre chaque journée un peu plus douce. Que ce soit en cuisine, en bricolage, en santé ou même en beauté, la Minute Astuce vous offre les clés pour dompter tous les défis du quotidien. Alors, accrochez-vous pour une minute ou deux et découvrez comment devenir le roi ou la reine de la vie pratique avec nos astuces éclairs. Prêt pour un coup de génie? C'est parti pour une minute ou deux d'astuces qui révolutionneront votre quotidien. Chaque semaine, dans la Minute Astuce, eh bien, on vous donne des trucs. Aujourd'hui, eh bien, voici une petite recette de vinaigrette citronnée. Alors, si le vinaigre n'est pas votre tasse de thé, mais il faut vous dire qu'une salade sans vinaigrette, c'est un peu fade. Alors, vous réaliserez cette vinaigrette sans vinaigre à base de citron. Pour ce faire, mélangez 10 cl d'huile d'olive, 6 cuillerées à soupe de jus de citron, 1 cuillère à soupe de moutarde salée et poivrez à votre convenance. Vous m'en direz des nouvelles. Et je vous propose de continuer avec Beppe Gambetta per poco o per niente. Alors, c'est un extrait de son album Terra Madre. Qui nous est offert par le guitariste italien Beppe Gambetta qui célèbre 50 ans de carrière en mêlant dans cet album racines américaines et européennes dans une même voix musicale. Il est né à Gênes en 1955 et il est un peu le maître du finger picking. Il nous offre avec cet album un voyage sensible à travers les terres mères du monde, entre récits, rêves, douleurs et espoirs. Son jeu énergique, ses mélodies vibrantes et ses compositions originales ancrées dans la tradition résonnent d'une intensité rare. Terra Madre, un album que je vous suggère, sorti en 2025, est enrichi par la présence d'invités prestigieux venus de divers horizons musicaux. L'album incarne une vision humaniste et poétique de la musique folk contemporaine, une œuvre profonde à la croisée des chemins et des cultures. Et puisqu'on parle de la ville de Gênes, d'où est originaire l'italien, le guitariste italien, Beppe Gambetta, eh bien on peut vous signaler qu'il y a trois autres génois fameux. Angelo Branduardi est né à Gênes, Nino Ferrer est né à Gênes, et puis bien sûr aussi Christophe Colomb. Uccidono, spezzano, strappano, stuprano, scappano, è tutto per poco, per niente. Marciano, urlano, sparano, bruciano, spiano, schiacciano, sfasciano, rubano, mentono, abusano, negano, accusano, è tutto per poco, per niente, è tutto per poco o per niente. Rimane per sempre. Et voilà, c'est ici que l'on termine cette croisière folk pour aujourd'hui. Merci d'y avoir participé. J'espère que vous avez apprécié le voyage. J'espère que vous avez appris des choses, que vous avez rêvé, parce que c'est un peu le but de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et donc, merci de nous rejoindre pour la prochaine croisière folk. Et n'oubliez pas, on a une page Facebook aussi. J'ai tellement d'infos devant moi, je ne sais plus quoi vous dire. Donc, La Croisière Folk, c'est une page Facebook. Et si vous voulez nous écrire, lacroisièrefolk@yahoo.com. Et j'oubliais de vous dire, on se quitte avec le groupe folk rock allemand D'Artagnan et En Garde. Voilà, maintenant, j'ai vraiment fini. I'll be back. Et vous trouvez ça drôle? Ah non, non, non, monsieur le commissaire Bizet. Moi, non. Santé, hein. Ah, je préfère la bière. J'ai envie d'un œil neuf sur ce chantier, d'une vision jeune. C'est toujours sur moi que ça tombe, les complications. Oh là là là là, c'est vraiment trop injuste. So, wir brauchen jetzt den Schlachtruf eines jeden echten Musketiers, und zwar En Garde! En Garde! Wuh! Wie heißt dieses Lied? En Garde! Es sind Helden gefallen! Still und leise erzählt man sich von einem Ungetier. Eine Bestie tief im Gévaudan, voll mordlos, voller Gier. Für Frau und Kind verheiratet gehen Männer auf die Jagd, erheben sich zur Gegenwehr. Es sind Helden gefahrt, oh Gott, oh Gott. Es sind Helden gefahrt, wo gehen wir auf die Jagd? Oh Gott, oh Gott. Das ist unsere Art, wir sind die Zeiten hart, so hart. Oh Gott, das sind Helden gefragt. Als Spion vergiftet Wein und Brot, Ränke schmieden und Verrat, der König ist in Not. Es sind Helden gefragt. Tief im Walde wandert sie umher, die junge Bauersmagd, den Rückweg findet sie nie mehr. Es sind Helden gefragt. Oh Gott, oh Gott, es sind Helden gefragt. Doch gehen wir auf die Jagd. Alle! Oh Gott! Oh Gott! Das ist unsere Art. Und sind die Zeiten hart, so hart. Oh Gott! Das sind Helden gefragt. La croisière folk. What a wonderful